Le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, a envoyé le 18 janvier un message de félicitations à Marcel Amontano, nommé ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire. Il lui a souhaité des succès dans sa fonction nouvelle et s'est exprimé convaincu du développement continu des relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays.